Alors, bon, j'étais en train de préparer ma patrouille. On frappe. C'était Mademoiselle Le Lambec. Qu'y a-t-il ? Quel est l'honneur que j'ai de vous recevoir dans notre logement ? Il dit, je viens vous chercher. J'ai descendu un étage parce que les gendarmes vous cherchent partout. Ils cherchent qui ? Vous ? Moi ? Oui. Pensez-vous ? Les gendarmes, ils ont autre chose à faire que de... Non, non, non. Ils vous cherchent. Et pourquoi ? Pour aller faire votre service militaire. Je dis, mais ça va pas. J'ai plus de 30 ans. Il y a longtemps qu'ils m'ont oublié. Et la preuve, le nom. Ils vous ont pas oublié. Ils ont apporté un carton. Montrez-moi ça. En effet, c'était écrit dessus. Sur le carton, en toutes lettres. Demain, présentez-vous à 3h à la caserne. Oh ! Vite, une chaise, un verre cassis. Oh, ben non, mais je dis, ils m'ont oublié. Oh, ben non. Eh ben écoutez, j'irai demain à 3h à la caserne avec ma sœur. Je vis avec ma sœur. J'ai eu un mal fou à rentrer avec elle. Il y avait des jeunes gens qui étaient dehors, des soldats. Il y en a qui voulaient la laisser rentrer. D'autres qui voulaient pas. Il y en a qui disaient, mais si, entre dans, ça va être ta fête. Bref, elle n'a pas pu rentrer. Il y en a qui se croient intelligents de critiquer l'armée française. Eh bien, faut pas. Moi, je suis arrivé, on m'a donné un beau costume, tout neuf. Un beau blouson qui me seyait. Un pantalon avec des jolis plis. Le calot, bien rouge, bleu. J'ai une cravate, j'étais fier d'être français. C'est vrai, c'est contre ça, j'étais chic. Bien sûr, on était 500 jeunes gens. Il y a quelques critiques à formuler, par exemple, on ne nous a pas présenté. Des jeunes gens qui avaient 27, 28 ans, 29 ans, il y en a des jamais j'aurais pensé ça, et qui ont 27 ans, 28, ils vont faire leur service militaire. Des étudiants qui ont fini leur travail, il y en a qui sortaient de HEC, d'autres qui sortaient de hautes études commerciales, d'autres qui sortaient des hautes études atomiques du professeur Langevin. D'autres qui sortaient des... Moi, je sortais de chez ma sœur. Chacun sortait de là où il pouvait. On était 500, et bien sûr, alors, je veux dire, on ne nous a pas présentés, si bien qu'à la visite, on était les uns derrière les autres, là, alors, on était devant un visage que l'on ne connaissait pas. Je disais, j'ai déjà eu cette tête là quelque part. Je ne peux pas y mettre un nom. Hein. Surtout, ne poussez pas. Hein. Alors, j'en étais, je m'en parle. Ah oui, on était 500, les 500 jeunes gens réunis dans la cour de la caserne. Un monsieur est venu. D'une cinquantaine d'années, il a dit, moi, je suis votre chef, car je suis caporal chef de carrière, et vous allez faire ce que je vais vous dire. Très bien. Allez, faites qu'à ça. Attache à moi, commandement. En avant. Il fallait lui obéir, hein. Ça, il nous aurait grondé. Hein. Il y avait un mur en face, et tout à l'heure, il va être roulé. Ouais. C'est pas des parties pour si peu. Et à gauche, gauche, ah ben tiens, il a moins l'air bête qu'il a. Là. À droite, droite, tiens, il a changé d'avis. À gauche, gauche, à droite, droite, à gauche, gauche. Ça a duré une heure, cette histoire-là. Une heure! Au bout d'une heure, j'ai pas pu m'empêcher de dire, j'ai dit, oh! Ça va pas, non? Vous n'êtes pas un peu fatigué, ou non? Faudrait savoir ce que vous voulez, non? Une forte tête, bravo, j'aime ça! Qui c'est qui a gueulé? Il y a quelqu'un qui ne s'appelait pas à faire son service militaire ici, il sortait des rats. c'est moi, c'est vous, sortez des reins. Il y a quelque chose qui plaît pas, monsieur. Hein? Mais écoutez, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît pas? Taisez-vous. À plein ventre, tout de suite. Plaît-il? Vous en foutez, moi, du plaît-il. À plein ventre, tout de suite. Vous voulez que je me foute d'un plein ventre? Oui, tout de suite. Dans quel but? Dans quel intérêt? L'intérêt? Vous en foutez, moi, des buts, des intérêts. J'ai des questions à causer, ça, comme ça, dis oh. À plein ventre pour montrer devant tous vos camarades la discipline. Un exemple discipliné à plein ventre, tout de suite. Faut s'abaisser au service militaire. Il y a 2 heures, vous êtes ici, tout de suite, à plein ventre. Je dis, ne vous excitez pas. Ne vous énervez pas. Réfléchissez, il a plu, il y a des flaques d'eau, vous voulez que je me mette à plein ventre? Oui, tout de suite. Écoutez, je vais salir mon beau costume, vous m'avez donné. Pour longtemps, on va gueuler, à plein ventre tout de suite, et ben moi je vous dis non. Et ben moi je vous dis si, non, si, non, non, non, et non. Et puisque vous insistez pas, je vais aller trouver le directeur de la caserne. Je ne suis pas gêné, j'y suis allé. J'ai eu un mal fou à le trouver, le directeur, non mais non, je ne viens plus bien. Je lui dis, monsieur le directeur, venez vite, je vous en supplie, venez vite. Il y a une espèce de fou qui est dans la cour. Je ne peux pas vous imaginer ce qu'il nous fait. Il nous fait aller à droite, il nous fait aller à gauche, il ne sait pas où on veut qu'on aille. Venez vite l'arrêter avant qu'il tue quelqu'un. Avec une légère commisération dans le regard, il me dit 8 jours de prison. Écoutez, je ne suis pas méchant, mais je crois qu'il les mérite. Pas lui, vous. Plaît-il? 2 semaines de prison pour vous. Pour moi? Oui, 3 semaines de prison. Écoutez, monsieur le directeur, vous devez vous méprendre. Je me suis mal exprimé. 4 semaines de prison pour vous. Pour qui? 5 semaines de prison pour vous. Alors, je vais vous trouver gentiment, il y a 6 semaines. Bon, alors voilà, 7 semaines. Et 8 semaines. J'éternue 9 semaines.